Resté, ils ont fait de quoi? Mais dans l'astral, il y a un paquet de personnes qui en ont parlé, qui en ont entendu parler, qui l'ont expliqué à des Européens, des Indiens, des Allemands, surtout aux visiteurs. Et puis à travers ça, dans l'astral, ça crée toute la manchure qui va faire en sorte qu'à un moment donné, il y a un paquet d'individus qui vont avoir des contacts avec des entités. Quand vous entrez en contact avec votre grand-père, votre grand-mère, par exemple, qui est décédé, une personne que vous connaissez, bon, avec Ouija ou avec non-Ouija, ça dépend, il y en a qui, bon. Et puis là, vous commencez, et puis c'est telle personne, puis ah, c'est mon grand-père, un exemple de grand-père. Si vous insistez, puis vous dites, qui es-tu? Ça va redire, ben je suis, mettons, machin chouette, c'est ton grand-père. Là, tu vous recommencez, non, tu n'es pas lui. Qui es-tu? Puis à un moment donné, ça va devenir totalement noir, ça va vous lancer un nom particulier, puis ça va vous envoyer carrément promener. Les entités qui veulent contacter l'humain sont tous des entités à la recherche d'un système endocrinien. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un corps physique pour sécréter. Ils vont vous faire peur, vous allez émettre suffisamment d'énergie endocrinienne, de l'énergie émotive, ils vont se nourrir. Ils vont vous amener à la chicane, à la colère, à ne pas dormir, puis de temps en temps, ils peuvent carrément prendre possession de votre corps physique. Mais Jarkul aussi? Bien, Jarkul aussi, c'est que c'est une entité qui vient là, puis qui, toi, qui tu veux rencontrer pour être heureuse? Jarkul? Ah ben, il m'appelle Jarkul, pas de problème. Non, mais pour les lamas aussi, ça veut dire que les lamas... Non, pour les lamas, je parle de Lise Bélé. OK. Puis l'autre, avant elle, ça en vient. Achetez de la Batsky. Ouais. OK. Les Tibétains, je reviens à ton à la fuite du Dalai Lama, là, du Tibet tantôt, puis à l'attaque des Chinois vers les Tibétains. Est-ce que les Chinois, il n'y avait pas aussi une raison très ésotérique de faire ça, c'est-à-dire de récupérer, eux, une Mais le énergie? Le gros de la raison, c'était ésotérique, c'était de récupérer tout le savoir tibétain dans le but de s'en servir. Et comme je dis, la raison politique était d'aller chercher les hauts plateaux tibétains de l'Himalaya, parce que pour lancer une fusée de cette altitude-là, ça coûte beaucoup moins cher en carburant. Ça prend beaucoup moins d'énergie au départ que si tu la lances en bas. C'est un principe logique. Puis ça tombe plus haut, ça fait plus mal. Non, c'est pas vrai. C'est une question de bombe. Et la grosse raison était effectivement, comme l'Allemagne, quand l'Allemagne envahit l'Égypte, c'était uniquement ésotérique. Quand l'Allemagne envahit l'Europe, puis l'Allemagne s'est associée à l'Italie, c'était ésotérique. Quand Adolf Hitler envahit l'Autriche, c'était uniquement ésotérique. C'est pas des pays à envahir. Bon. C'est la même chose pour les Chinois. Les Chinois ont voulu prendre possession de l'Himalaya, surtout pour amorcer les Tibétains. D'ailleurs, ils les ont torturés. Les Tibétains sont morts comme étant pliés. Ils les ont torturés. Les Tibétains n'ont pas parlé. Ils leur ont mis le feu après. C'est resté dans la tradition. Les moines bouddhistes qui se mettent le feu pour rien. Ils ont écartelés, attachés après des jeeps de l'armée, puis on s'en allait comme ça. Ils ont tout fait pour les faire parler, mais les Tibétains ont parlé. Mais personne ne savait où c'était. Mais c'est ça. Alors, même ça n'a vraiment rien de... Et là, tu fais une liaison entre les Templiers puis les Tibétains, puis je suis allé dans un voyage astral dans cette partie-là, puis le microclimat, puis justement, pendant ce voyage astral-là, j'avais beaucoup plus la saveur d'une chevalerie que je pensais pas que je m'en allais au Tibet. Là. C'est pas moi qui avais décidé d'aller là. Donc, j'accompagnais quelqu'un, puis on s'est ramassé là. Puis dans le il y avait une espèce de plaine, puis on passait, comme ce que tu décrivais tantôt, quelque chose de nuageux, d'humide, un microclimat. Il y a des moines qui sont debout alentour d'une espèce de lac où il y a une vapeur qui sort. Puis ils font c'est rien. C'est les morts qui sont là. Bon, ils sont debout, parce qu'il y a des corps dans l'astral. Puis au moment où on passait au-dessus d'eux autres, il y a un arrêt. Puis il y a quelque chose qui vient vérifier. Est-ce que je pouvais continuer, autrement dit, d'aller plus loin? Il y avait une espèce de barrière énergétique qui venait peut-être vérifier qui j'étais ou qu'est-ce qu'on faisait là. Ouais. Puis finalement, ça nous donnait une espèce d'autorisation, sans parler, là, de continuer. Puis sur le sommet de cette montagne-là, il y avait un château, mais qui ressemblait beaucoup plus à des châteaux de moines. Mais toi, que ce nous que tu as fait présentement, c'est que dans ton rêve, tu as simplement fait une juxtaposition de deux mondes astraux. Puis quand j'ai parlé de Templiers, c'était pour faire plaisir. Parce qu'effectivement, les moines là-bas, les Tibétains, les lamas, avaient une façon très... Mais oui, il y a toute une brise. On a un vrai microclimat. Un microclimat hivernal. On va parler de la Jamaïque. Ah, ça fonctionne. Mais oui, c'est bon, ça, Jamaïque. C'est bien. On fait quoi que ça, c'est des fois. Ça marche pas. Ça marche un peu le foie. Dans ton voyage astral, tu as fait une juxtaposition, c'est-à-dire qu'effectivement, tu t'es ramassé dans deux régions où il s'est passé des choses similaires, deux ethnies différentes, deux temps différents, très différents finalement, mais similaires quand même. Templiers ont gardé un secret, ils l'ont caché au Québec dans le Tchik-Tchak. Ils sont morts d'une façon grotesque. On les a accusés d'un paquet de choses. Les moines tibétains ont été accusés d'un paquet d'affaires aussi. Et ils sont morts aussi d'une façon similaire. Et au niveau des cachettes secrètes, ben, il se passe des choses. Et quand on parle des lamas, on ne pense pas à un ordre militaire. Mais les lamas ont développé des systèmes de combat extrêmement performants. Des systèmes de combat qui ont commencé avec les moines Shaolin en Chine. Bon, on avait un contact avec eux. Pour ceux qui ont vu, à un moment donné, la série Kung Fu, là, bon, ben ça, c'était les moines Shaolin. Au Tibet, on avait évidemment des méthodes de combat physiques. Il y avait d'ailleurs, avec 3000 puis 4000 moines dans une région, c'était dans un monastère, c'était évident qu'il faut encore toucher aux affaires là-bas. C'était évident dans un 3 000 4000 personnes qu'il y avait des dissidents. Parce que pour être moine au Tibet, c'était facile. Les parents, ils sacraient dehors, puis ils allaient au monastère, puis c'était un gars, tu rentrais. Bon, alors c'était pas... Ils prenaient n'importe qui. Parce qu'il y avait besoin de jardiniers, de policiers. Les moines policiers, c'était des gros bâtis, pas de cervelle, beaucoup de bras. Ça facilitait beaucoup d'être policier. Il y avait de toutes les sortes de moines. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y avait aussi des méthodes de défense. Parce que, premièrement, le Tibet, ce n'est pas un pays de paix, ça, là. Et à l'intérieur des monastères non plus. Donc, ceux qui étaient initiés suffisamment avaient des capacités de chevalier. C'est-à-dire qu'ils étaient capables d'affronter, de faire des quêtes, de faire de la recherche, de protéger. Et c'est ce qu'ils ont fait là quand ils sont partis là-bas. Quand on parle, par exemple, on a des personnes qui ont 40 ans, 50 ans, même 35 ans, qui partent avec des plus jeunes, 12, 15, 16, 17 ans, qui sont en bonne forme. Ils vont s'en aller jusqu'à un microclimat, et eux savent qu'ils ne peuvent pas revenir. Bon, alors eux meurent là. Bon, c'est typique, disons, de la philosophie chevalière, puis ça a toujours été ça, eux autres, c'était des yakiers. Puis il y a aussi que une autre ressemblance, je trouve, c'est que bon, les Templiers, quand un chevalier Templier rencontrait trois, quatre autres chevaliers qui n'étaient pas Templiers, les trois, quatre autres chevaliers, normalement, n'engageaient pas une bataille parce qu'ils n'étaient pas sûrs du résultat, parce qu'ils avaient peur que le Templier réussisse à les avoir. Puis au Tibet aussi, les moines tibétains, il y avait une certaine réputation que si tu en rencontrais un, les trois, quatre bandits qui normalement l'auraient attaqué si ça n'avait pas été un moine comme ça, n'osaient pas bouger parce qu'il y avait des pouvoirs. Les lamas avaient des pouvoirs. C'est qu'il y avait des pouvoirs. Oui, les lamas étaient médecins et ils n'étaient à peu près pas attaquables. Surtout qu'une fois mort, un lama, c'est plus dangereux. Mais c'est quoi la différence entre un lama et un moine tibétain? Ben, le moine, ben, c'est un peu comme entre un évêque et un prêtre. Bon, c'est ça, j'allais dire. Les secrets dont tu as parlé tout à l'heure, c'était seulement c'est une élite. C'est les lamas. C'est les lamas. Ah, bon. Puis encore là, les lamas, c'est les la-lamas. Oui. C'est les hauts. OK. Ceux qui, bon, on a vu qu'est-ce qu'ils faisaient, qui d'une façon chevalière, ils ont conservé des choses, des connaissances, des pouvoirs qui leur ont servi, bon, d'une façon plus ou moins correcte. Mais est-ce que c'est encore une utilité maintenant? Est-ce que ça va en avoir une pour, encore pour l'humanité? Dans le sens que moi, ce que je vois, c'est que ça a servi pour la race, tu parlais de l'Inde tantôt, bon, la race aryenne, le début de la cinquième race mère. Mais est-ce que ça peut servir encore pour la suite ou leur temps est dans le passé plus que dans l'avenir? Leur temps est ailleurs, dans une autre adresse temporelle, effectivement. Ce qui est important, c'est qu'au niveau de l'Himalaya, et les moines tibétains et les lamas, évidemment, là, eux ont découvert depuis longtemps de grands, grands couloirs. Bon, il y a des couloirs qui vont, c'est des grottes naturelles, qui sont énormes. Mais certaines grottes, on pourrait probablement mettre le stade olympique à l'intérieur. Puis c'est pas unique. Il y en a des grottes comme ça au Guatemala, puis il y en a dans d'autres pays, des immenses, immenses grottes intérieures. Juste au Guatemala, le canal, le tunnel le plus long qui a été suivi pourrait relier Montréal à Rimouski. Bon, puis on peut se promener là-dedans quasiment avec un petit avion. Il y a d'immenses, immenses cavernes. Et c'est ce qui a amené l'idée progressivement d'un centre de terre creux, avec ce que les moines tibétains à l'époque, antérieurement à l'invasion chinoise, ramenaient comme information. Alors, eux, ils parlaient de grottes énormes, faisaient chaud, mais il y avait des sources thermiques, qui nécessairement, le centre de terre était un peu plus chaud que la surface, en tout cas dans certaines régions. Et les Tibétains ont découvert assez rapidement des couloirs qui les amenaient à bien des places. Premièrement, antérieurement, il y a bien longtemps, ils ont permis, avec l'aide de certains Atlantes, la construction d'effigies à l'image des anciens Lémuriens sur l'île de Pâques, qui est totalement aux antipodes. Si on prend une aiguille, on la perce dans l'île de Pâques sur un globe terrestre, qu'on la passe au centre de la Terre, ça tombe exactement à Lhasa au Tibet, là où était le plus grand monastère avec la plus grosse élite. Et ça servait à protéger le monastère de toute agression planétaire au niveau de magie noire. c'est une antenne qui récupère. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui, là, mais à l'époque, il y avait des cérémonies, il y avait un rituel là. Les Tibétains, eux, ont découvert des canaux, des couloirs qui leur permettaient d'aller à bien des places, et surtout des canaux astro qui leur permettaient de visualiser puis de voir d'une façon beaucoup plus tangible. C'est pas un voyage astral, c'est un transport séraphique, dans un langage plus ajusté, qui leur permettait de se ramasser au Canada, au pôle Nord. Et ils ont progressivement, ils ont été capables de trouver des chemins leur permettant sous la Terre, c'est assez intéressant, de traverser et de se ramasser jusqu'à l'embouchure au pôle Nord, où il y a aussi des ouvertures. Mais ils doivent rencontrer des intraterrestres en se promenant comme ça? Ils en ont rencontré, mais pas souvent, parce que les intraterrestres, la majorité des bases d'intraterrestres sont dans l'URSS, ils sont en Roumanie, ils sont aux États-Unis, ils sont en Égypte, ils sont en Allemagne, enfin, il y a plusieurs pays, mais ces montagnes-là ont à peu près pas été touchées. Bon, les intraterrestres, les deux vagues qui sont arrivées, une est arrivée en Amérique, un peu autour de 120 millions d'années en arrière, la deuxième vague à peu près 61 millions d'années par la suite, beaucoup plus vers l'Afrique. Donc, sautons la mécanique, il y a eu des mélanges, ça a nécessairement des conséquences. Mais au niveau légendaire, ce qui arrive, c'est qu'on a des Tibétains qui vont vivre à travers, qui présentement, présentement, plus maintenant, mais ont habité près d'une source au pôle Nord. Et ça va amener la légende, de toute façon la légende, la vibration, la perception intuitive de la Gartha, de Shambhala, qui est la vestige de base. Mais Shambhala a été totalement pillé par les mécaniques intraterrestres, ce qui fait que c'est la première grosse, cité souterraine tibétaine. Celle avant l'invasion chinoise, c'est beaucoup plus blanche. Les grottes datent d'extrêmement longtemps, évidemment, c'est connu depuis longtemps. Va être beaucoup plus agartienne, beaucoup plus blanche. Et aujourd'hui, on a des effluves énergétiques de cette mécanique-là ici au Québec, au Canada, au niveau du pôle Nord. Et de toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se rendre compte qu'à partir du pôle Nord va naître une quantité phénoménale de légendes. Il y a celle d'un Américain, à un moment donné, qui dit en avion au pôle Nord avoir survolé à très basse altitude le pôle Nord, puis finalement être rentré dans la Terre par une ouverture. Il devait être un voyage astral, là, lui, là, mais n'empêche. Il dit que ça a plusieurs centaines de kilomètres, le trou, tu sais, mais les satellites n'étaient pas encore en opération. Mais en voyage astral, effectivement, il y a des ouvertures comme ça. Il y a des ouvertures qui sont biologiques aussi. On va voir par la suite l'idée même de la Gartha. On va voir par la suite l'idée même de Superman, qui va nécessairement aller placer son truc placé en plein milieu du pôle. Et du pôle Nord, Superman qui vole, qui est capable de voir les personnes, qui est une bonne personne, qui est capable de... Enfin bref, c'est un dieu. C'est l'idée aussi du personnage, des effluves qui vont sortir de là, puis nécessairement le Père Noël. C'est un lama moderne, finalement, Superman. Bien, Superman, c'est sûr, c'est un être nouveau. Que l'être nouveau peut faire à peu près la même chose. Puis c'est la vision tibétaine de l'être nouveau, c'est Superman, moins le maillot puis la cape, là. Mais des guenilles brunes avec des gros souliers pliés en haut. Superman. Mais il y a un lien qui me manque quelque part, c'est que depuis tantôt, tu décris des choses qui sont proches de l'homme nouveau. Tu parlais de la légalisation, puis bon... Le lien. Bon, on va y fort. Ce qui est intéressant, c'est que le Québec est premièrement placé sur le bouclier canadien. Le bouclier canadien, c'est la première Terre de surface. À l'origine, on était près du pôle Sud. Mais la Terre était l'autre bord. En tout cas, on passait les étapes. Mais ça a migré, les plaques tectoniques se sont promenées. Mais on n'était pas où ce qu'on est actuellement. Le bouclier canadien, c'est une partie de l'Ontario, une partie des territoires du Nord-Ouest, une partie des plaines. Et puis, c'est tout le Québec au nord des plaines du Saint-Laurent. Le Québec, c'est la première terre de surface, c'est là que la vie est apparue, et c'est là que migrent les races lorsqu'elles sont près d'une apocalypse. Les races migrent d'instinct vers la Terre blanche. Alors, nécessairement, par réincarnation, plusieurs individus sont réincarnés au Québec, parce que c'est du Québec que va partir la base de la sixième race mère, et il y a énormément d'immigration vers le Québec, d'individus qui sont des Québécois, mais qui sont venus au monde ailleurs, qui vont venir ici en entraînant un paquet d'autres, évidemment, qui viennent vers une terre promise, puis qui sont souvent relativement déçus parce que c'est pas leur intuition qu'ils ont amené là, c'est plutôt de l'émotivité. Maintenant, ce qui arrive, c'est que non seulement le trésor des Templiers, c'est pour ce point, est au Québec, dans les Tchic-Tchac, la montagne à l'envers, c'est un endroit intéressant à visiter à un moment donné si ça vous adonne. Ça prend quelques heures à monter. Rendu en haut, c'est au sud du Saint-Laurent. Rendu en haut, c'est un climat arctique polaire. Il y a des rennes, etc., des petites fleurs, des petits arbres, en plein milieu de l'été. Parce que si on y va au mois de juin, juillet, on peut être dans 3 pieds de neige. Et puis, la surface du plateau, c'est une surface de fond marin Quand les géologues ont creusé, plus ils creusaient, plus la qualité de la Terre était la qualité du sommet d'une montagne. Donc, c'est reconnu, le Chic-Choc, c'est une montagne à l'envers, comme si on avait coupé le sommet, on avait creusé un trou, on avait viré le sommet de bord, on l'avait rentré dedans. Bon, géologiquement, c'est ce qui se passe. Le Mont Albert, entre autres. Près des tables de Moïse, à côté des chutes du diable puis de la rivière, près où ce que les portes de l'enfer. C'est tous les noms. Bon. L'autre chose intéressante, c'est que astralement, tout ce qui est conservé dans l'antre des moines tibétains a tendance à migrer lentement à travers tous les couloirs souterrains qui ont été amenés et aussi par les canaux séraphiques qui ont été créés par le transport des Tibétains vers le pôle Nord. Donc, progressivement, et plus ça va, plus ça a tendance à sortir. Et la terre la plus telluriquement attractive de cette mécanique-là, c'est le Québec. Mais plus ça a tendance, c'est-tu déjà fait ou c'est en train de se faire? Non, c'est fait depuis longtemps et c'est de plus en plus en train de se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus dans les années qui vont venir, plus ça va aller, plus il va y avoir des Québécois qui subitement vont avoir de l'intuition pour être capables de découvrir comment voir la maladie à travers un corps physique sans rayon X. Plus il va y avoir des Québécois qui vont avoir l'intuition de découvrir comment finalement faire bouger les objets à distance, comment marcher dans l'air, marcher sur l'eau. Plus il va y avoir de mécanismes, plus il va y avoir... Les Québécois ne sont pas superstitieux pour rien parce qu'on l'aura, il y arrive un paquet de choses du Nord. Et les Québécois vont de plus en plus. C'est évident que c'est déjà là. On n'est pas le centre de l'émancipation de la conscience dans le monde pour rien. Hein? On est les plus spirituels, on a le plus d'ouverture en face de la spiritualité, on est les plus ésotériques, on a le plus d'ouverture en face de l'ésotérisme, on a le plus de librairies ésotériques avec le plus de rayons ésotériques dans les librairies qui ne le sont pas. Mais en plus, au niveau de la conscience, c'est au Québec qu'il y a le plus de gens qui n'évoluent plus, mais qui se conscientisent. Bon. Et plus ça va aller, d'ici l'an 2000-2003, plus ça va aller, plus il y a de jeunes qui vont progressivement recevoir de l'information qui est beaucoup plus d'ordre tibétaine, lamassienne. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont effectivement vivre comme on éduquait les jeunes lamas v'là peut-être 50 ans à aller en descendant. Ce que tu dis là, c'est que pour l'homme nouveau, ou transitif en voie d'être homme nouveau, c'est que ce que les lamas tibétains utilisaient, ça va être utilisable aussi par eux. Oui, intuitivement, ça va être prédigéré par certains Québécois, ça veut dire que ça va être adapté à ce que nous sommes. Autrement dit, si un jour ton gars ou ta fille commence à aimer bien le gruau, pense que peut-être il... Parce que là-bas, il mange rien que ça, ça me pas. Je vais y offrir du thé avec du beurre, peut-être que... Oui, un peu, mais ça, c'est dans le luxe, là. Ça veut dire que ce qui aurait été descendu par l'information depuis des centaines d'années par eux autres, mais pas appliqué dans l'actuel, pourrait être... entretenu. Ça aurait été descendu jusqu'à une certaine étape, puis ensuite, ça pourrait être appliqué par nous autres ou par nos enfants, ou... Mais vraiment appliqué. Moi, il me semble que si j'étais capable de faire de la lévitation, puis ça me servait à quelque chose... Tu l'éviterais pas. Ouais. Je pourrais l'éviter, l'accident. Non, tu l'éviterais pas tout ça. Ouais. Fait que, à ce moment-là, ça donne une raison pratique. Dans certains cas, ça peut être très utile. Oui, très utile, sauf qu'on est sur la planète Terre. Bon, tu fais juste te coiffer les cheveux différemment, ou aller chez le coiffeur, puis quand tu rentres à ton bureau, « Ah, tu fais couper les cheveux, tu passes au feu! » Fais un petit peu de neuf, là, puis c'est... C'est une adaptation pour l'humanité. Ouais, si t'arrives en volant... Oui. Là, je... T'achètes une nouvelle cravate, c'est ça. Ben, je travaille au sixième étage, je suis grave à la fenêtre le matin. Peux-tu ouvrir? Sur toutes les fenêtres, vous me laissez ouvrir. C'est ça, les fenêtres, pas en plus, tu traverses la fenêtre, ça la conseille. Mais il faut comprendre que l'adaptation au neuf, c'est la problématique majeure de l'humain. Du moment que c'est neuf, un tantinet, laisse-moi le temps. Juste une nouvelle cravate, il faut que je m'adapte. T'as déjà eu une moustache, toi, hein? T'étais cute en maudit qu'une moustache. Quand ça l'est coupé, t'étais laid, c'était pas possible. Là, aujourd'hui, quand on regarde des photos, t'as une moustache, elle t'étais laid en maudit. Mais t'étais beau quand t'avais une moustache. Maintenant, t'es laid en maudit quand t'avais une moustache, parce que maintenant, on s'est adapté. On parle juste de... Coupe de poils. Près de 3200 poils. Bon. Alors, imagine-toi pour quelqu'un qui va faire... Les enfants sont intelligents. On les martyrise ici, ça veut dire qu'on s'arrange en tout cas pour qu'ils ne le soient pas trop. Mais de plus en plus, il y a effectivement des personnes qui vont avoir les capacités, les adultes aussi, mais les jeunes surtout, vont avoir les capacités d'intuitivement être capables de reconnaître. Premièrement, la vision vitale, c'est de plus en plus en train de se développer. Les Tibétains l'avaient au maximum, vision d'entité naturelle, farfadet, gnome, etc., lutin. Il y a toute une... On pourrait en parler. Bon, c'est des questions, on peut le faire. Je ne veux pas trop le faire parce qu'à un moment donné, les parents, ils vont surveiller des choses de trop spécifiquement chez leurs jeunes. C'est une cicatrice entre les deux sourcils. Ça, c'est plus tard. Mais dernièrement, j'ai un ami. Il y a une bosse qui a commencé à pousser là. C'est ce qu'il dit. Le troisième, il est en train de me pousser. Autrement dit, leur secret, c'était de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Non, ça, c'est ce qui va se faire. Le secret des moines tibétains, c'est uniquement qu'ils ont caché, là, comme le Vatican l'a fait. Le Vatican, la problématique du Vatican, c'est qu'ils ont caché des secrets similaires, beaucoup plus utilisables à la génétique, donc à la race que nous sommes aujourd'hui, mais alors vraiment plus utilisables. Le Nazaréen, il ne marchait pas solo tout seul. Il y avait Pierre et Thomas, et tout de misère, mais tous les autres apôtres étaient capables de suivre. Mais Thomas n'a pas compris qu'il fallait marcher sur les roches, en tout cas. Bon, mais tous les apôtres, il y en avait du monde. Il n'était pas le seul à guérir, le Nazaréen. Il n'était pas le seul à dormir comme ça pour rien. Tu n'étais pas le seul à parler différentes langues, à être télépathe, autrement dit. Hein, tu parles, tout le monde te comprend. Il parle araméen, il parle hébreu, il parle romain, latin. Il comprenait. Le Nazaréen n'était pas le seul. Il y avait des choses qui se faisaient et qui étaient pratiquées par les Esséniens à l'époque. Le Nazaréen a amené ça à un summum intéressant. Mais la lévitation, on appelle ça la transfiguration. Qui était transfiguré? C'est ceux qui regardaient. Hein? C'est eux qui avaient des problèmes. Le Vatican a ramassé énormément de choses du genre. C'est caché. Puis, eux ne veulent rien livrer. C'est livré de temps en temps, mais ben, par inadvertance, ils ne veulent rien livrer. Et c'est d'ailleurs des gens du Vatican qui ont écrit les prophéties des papes. Quand on parle des papes, là, un pape va mourir là, un pape va faire ci, le prochain pape va porter tel nom, etc. C'est pas Nostradamus, c'est un pape. C'est Malachi. Bon, Malachi qui a écrit la prophétie, c'est un pape qui a écrit la prophétie des papes. Mais toute l'Église catholique, elle s'est auto-prophétisée une mission et elle sait très bien de par les relations qu'elle a avec disons, certaines forces, là, elle sait très bien que l'Église catholique va s'en aller quand, un, celui qui va venir avant le Christ va venir, qui va être hanté dans le sens antérieur au Christ, anti dans le sens antérieur au Christ aussi, en grec, et qui va être anti-Christ dans le sens latin, contre. Ce bonhomme-là va venir, il va en avoir plus qu'un antéchrist, il va venir uniquement démolir l'image que les gens ont du Christ, donc on va venir démolir l'Église, les crucifix, les icônes, tout ce quand l'humain il prit un bout de bois, mais l'humain, à l'origine, ça c'était là pour le concentrer, puis quand il est concentré, il passe à une autre étape, mais l'humain, il passe plus à l'autre étape, il prie là. Rentrer dans une église, là, des gens qui prient un crucifix, puis casser le crucifix, ils vont vous casser en morceaux, parce que vous venez de casser Dieu. Alors, l'antéchrist, les mécaniques, les humains qui vont se pointer avant, ils vont avoir des hommes et des femmes, avec même dire qu'ils vont Dieu trouver un maudit, des femmes, et puis eux vont venir démolir l'image du Christ. L'Église sait très bien qu'on s'en va vers une nouveauté, puis quand l'Église va tomber, ou ils détruisent la bibliothèque souterraine du Vatican, ou bien c'est révélé. Bon, c'est supposé être révélé parce qu'Apocalypse veut dire révélation. De choses actives, actuelles ou passées. Bon, l'Apocalypse ne parle pas de notre avenir. L'Apocalypse de Luc, l'Apocalypse de Saint-Jean, ne parle pas de ce qui nous attend dans l'avenir, parle de ce qui a engendré l'humain dans le passé, entre la transition entre l'Atlantide et la race européenne et indo-européenne. Bon, mais nous, on vit dans le passé. Mais le Vatican aussi a les mêmes secrets, ces secrets-là sont cachés. Les Tibétains, les secrets commencent à être évaporés. C'est-à-dire qu'on commence à les recevoir un peu partout. Ça fait longtemps, évidemment. Les Beatles ont été un grand médiateur, un grand média qui ont amené avec eux cette mécanique-là de l'Inde et du Tibet. De plus en plus, les Québécois y ont accès. Et le mystère même des Tibétains, c'est surtout qu'eux, il y a encore quelques-uns qui vivent, des microclimats. Ils ont des capacités absolument phénoménales, sauf que, comme je le dis souvent, ce sont des résultats secondaires de la conscientisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est beau d'être télépathe, mais si tu n'es pas encore capable de savoir où tu vas dans la vie, je ne parle pas dans la vie, moi, là, 65 ans, là, je parle dans la vie, 2-3 000 ans, là, c'est dans l'existence, ça ne vaut pas la peine d'être télépathe. Si tu es télépathe, ça te permet d'être capable de communiquer des mécaniques subtiles entre êtres humains subtils, que les mots ne sont pas capables de communiquer, puis que ça ne te dérange pas d'être télépathe ou de rencontrer des gens télépathes, ça va. Mais t'es pas plus évolué parce que tu es télépathe, t'es pas plus évolué parce que tu traverses les murs. C'est pratique, surtout si t'es un voleur de banque. Par contre, tu ne comprends rien avec toi, en tout cas. Mais c'est pratique. T'es pas mieux. Bon, si vous pouviez voler, ça serait un petit peu plus plaisant à votre vie, hein? Mais là, 300 ans, les gens disaient, si on était capable de se faire un appareil pour voler, on a des avions aujourd'hui. Si vous pouviez marcher à 50, 60, 80 km à l'heure, tu sais, là, wow! Ça serait génial. Ils disaient ça, là, 200 ans, puis en reculant. On a des automobiles aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on a ce que nos ancêtres voulaient, mais on n'est pas plus évolué. Parce que, premièrement, l'arme, ça n'évolue pas. Ben, c'est la seule affaire qui n'évolue pas. Ça prend de l'expérience, mais émotivement, dans sa nature, ça ne change pas. C'est craintif, jaloux, pissou, manipulable, peureux, envieux. Ça cherche le bonheur toute sa vie. Fait que quand ça l'a, ben, ça s'organise pour pas le perdre. Fait que c'est trop occupé pour ça pas s'en servir. Là. Ça fait d'autres choses. On a ce que nos ancêtres voulaient. Et eux se disaient, si un jour on pouvait, par exemple, faire une réunion en plein milieu de l'hiver d'une salle, chauffée, puis sans poêle à bois, sans fumée, puis tout relax, là, là on pourrait... Ben, on est dedans, là, on est dedans. Alors, avoir les résultats secondaires d'évolution ou de la conscientisation des Tibétains, ce sont des outils. On va les avoir à un moment donné. Il y a des gens qui en ont. Moi, j'en ai. Il y en a qui en ont ici dans la salle. Pas beaucoup. Il y en a qui en ont. Puis, il y aura évidemment de plus en plus d'êtres humains qui vont en avoir si on ne s'arrange pas trop au départ pour leur dire que c'est pas correct, puis qu'ils l'ont pas, puis que c'est des idées, puis ils sont fous, là. Mais tu dis, dans les secrets du Vatican, il y en a qui sont similaires à ceux des lamas. C'est-à-dire que dans le Vatican, on a les écrits expliquant comment un être comme nous autres peut ce qu'il doit boire, ce qu'il doit manger, les coups qu'il doit recevoir et où. C'est encore en vigueur. Non, mais c'est un peu comme l'acupuncture, là. Mais ouais. C'est des coups de crucifix, tu sais, mais. Non, mais ce qu'il doit avoir pour pouvoir. Où on doit planter les clous, c'est l'acupuncture. Pour pouvoir l'acupuncture chrétienne. C'est 4 points l'acupuncture chrétienne. Ça revient au bout de 3 jours. J'ai les mains, mais il y en a un paquet autour de la tête, là. Et ça n'a pas été visé, non. Mais pour te permettre de voler l'évitation, ce que le Nazaréen faisait, ce que le Tibétain faisait, pour te permettre de voir l'aura, ce que le Nazaréen faisait, bon, pour te permettre de gagner le monde le plan moronciel sans mourir, ce que certains chrétiens ont fait, ce que les Tibétains faisaient. Le Nazaréen allait plus loin, il a même expliqué à Lazare, entre autres, comment gagner le monde de la mort sans mourir. Bon, mais il a fallu qu'il le ramène, évidemment, parce que là, le corps de Lazare était en train de s'en aller. C'est le seul qui l'a fait. Il y a une femme qui l'a fait aussi à l'époque du Nazaréen. C'est pas Marie-Madeleine. C'est Madeleine. Mais Marie-Madeleine n'a jamais existé. Bon, il y avait Marie, il y a Madeleine, il y a deux Marie, il y a trois Madeleine. Puis l'abbé m'a parlé de Marie-Madeleine parce qu'ils se sont dit, écoute, cinq, c'est trop, une, c'est assez. sérieux, hein? Il y en a eu bien plus qu'une. Fait qu'on parle de Marie-Madeleine, bon, ben, il pleure comme la Madeleine, tu sais. Alors, dans le Vatican, on a aussi d'autres phénomènes. La télékinésie existait. La réincarnation est totalement expliquée, puis totalement bien expliquée. Ben, dans la Bible, on en parle à peine. Quand on demande aux Nazaréens, qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu le Baptiste? Le Baptiste, il vient de mourir. Tu sais, on demande aux Nazaréens s'il est le Baptiste. Élie, c'est un prophète qui est mort il y a bien longtemps. Tout ça, c'est expliqué convenablement aussi. À Vatican II, on a tout caché ça. On a caché la réincarnation, mais il y avait déjà d'autres choses. Alors, si on peut aller fouiller là-dedans, non seulement on a ce que l'Église a toujours su des mécaniques, les vrais livres, la vraie Bible, autrement dit, les évangiles apocryphes, celle de Thomas, celle de paquet d'autres. Il y avait 12 apôtres principales, mais il y en avait tout un autre apôtres. Au niveau des Tibétains, on a des choses similaires. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'aujourd'hui, un être humain qui va au Vatican ne pourra pas avoir accès à la bibliothèque. Quelqu'un qui va au Tibet, qui se présente raisonnablement, convenablement, aura probablement la possibilité de se faire amener jusqu'à une cuvette de microclimat. La source de connaissance de la bibliothèque du Vatican et des lamas, est-ce que c'était la même? Où ils ont pris ça? Parce que c'est assez particulier comme savoir, surtout pour le temps. Oui, bon, premièrement, la majorité de l'information que les lamas ont provient de Jésus. Puis l'information du Nazaréen, lui, provient d'énergie michaélienne, donc d'un phénomène extraterrestre. Gabrielien, etc. Parce que le Nazaréen, lui, son père était menuisier, son père a voyagé beaucoup, il était à Rome, il était à plein de places. Il a voyagé avec des bateaux phéniciens aussi. Il a visité l'Inde. Il a rencontré des personnages là-bas, puis il s'est instruit énormément à ce qui existait déjà, Bouddha l'ayant précédé, et il a remis ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand Nazaréen est arrivé, il s'est rendu assez âgé, parce qu'il a juste 100 ans, là, mais une vingtaine d'années, il a rencontré des gens de l'Inde, près du Népal, il est allé jusque-là, la réincarnation, tout le monde croyait à ça. Fait que lui, le record, il a même expliqué ce que c'était, tandis que où il était déjà là, il y a la réincarnation.